الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز. Quant à la semaine dernière, on avait parlé des actes qui étaient recommandés à faire dans plusieurs étapes de l'étape du pèlerinage. La première étape, c'est celle qui précède l'entrée à la Mecque. Donc on avait cité plusieurs actes méritoires que le musulman doit s'efforcer de mettre en pratique avant d'entrer à la Mecque. La première de ces choses, non, de passer la nuit à Zitoua, à Zitoua, qui est un endroit situé au nord de la Mecque. Et également de faire le roussel également avant d'entrer à la Mecque et de rentrer de jour. On avait cité le athar de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui faisait ainsi et qui attestait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Ensuite également, les choses à respecter, d'arrêter la talbiya. On avait cité ça parmi les actes méritoires. Ça faisait partie de... En fait, on avait cité dans le hadith d'Ibn Umar, il me semble. Non. Mais concernant les actes méritoires. Non, monsieur. Non. De rentrer dans la partie... De rentrer du haut, de rentrer par le nord et de ressortir par le sud. De rentrer du nord de la mer, par le nord de la Mecque, et de sortir par son sud. Et également... Non. De rentrer par le pied droit. Donc là, de rentrer dans le pied droit, c'est de rentrer à la mosquée sacrée de la Mecque, de rentrer du pied droit. De rentrer du pied droit, et ceci n'est pas propre à la mosquée sacrée de la Mecque, mais à toutes les mosquées. Et ensuite, non, Ahsante, de faire l'invocation qui est A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultan al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Ensuite, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ahsant. Et ensuite, n'am, quand on voit la Kaaba de lever ses mains, car Ibn Abbas radiallahu anhu a fait ainsi. Et de dire la vocation qui a été rapportée par Omar radiallahu anhu, qui disait Allahumma anta salam wa minka salam fa ahyina rabbana bis salam. Ahsant. Donc ça, c'est concernant l'entrée de la Mecque, les choses à respecter. Ensuite, on avait parlé de tawaf, des tournées autour de la Kaaba, qu'il y avait des actes méritoires à respecter. Le premier, Naam, Hassan, Al-Tiba'a. Al-Tiba'a, qu'est-ce que signifie Al-Tiba'a? Naam, Tahta Ibtihi Ala Ibtihi, Al-Ayman ou Al-Aysar? Al-Ayman. Al-Ayman. ويرد طرفه على منكبه اليسار. نعم. ويبقى منكبه اليسرى محشوكا. Al-Yusra, Al-Aysar, Al-Aymen. Ahsant. Donc c'est de prendre son rida, de le passer sous son aisselle droite et de le poser sur son épaule gauche. Et cela a pour résultat que l'épaule droite reste découverte. Donc le but de l'itriba' c'est de découvrir son épaule droite, c'est de découvrir son épaule droite. Et quelle est la particularité de l'itriba'? Quand est-ce qu'il se fait? Uniquement durant tawaf al-qudum, qui est non pour le mutamatti. C'est quoi tawaf al-qudum? C'est le tawaf de la umra. Et pour al-qarin, pour al-qarin c'est quoi? Et pour le mufrid, non? Chaque personne qui entre à la Mecque, qu'il soit qarin, mufrid ou mutamatti', il a toujours un tawaf à faire. Il a toujours le premier tawaf qui est tawaf al-qudum. Et il a aussi l'autre tawaf qu'il doit faire qui est tawaf al-wada', tawaf al-ifada, afwan, qui est tawaf al-ifada. Il y a aussi tawaf al-wada', on le verra par la suite. Donc, tawaf al-qudum, c'est le premier tawaf que fait la personne lorsqu'elle arrive à Mecca. Et c'est uniquement dans ce tawaf qu'il est légiféré de faire al-ittiba'. Ah ouais, non. Et la raison pourquoi le prophète Mecca, c'est ça? On avait déjà cité ça. La raison de l'ittiba', c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque après le sulh de l'Hudaybiyah, après le pacte de paix de l'Hudaybiyah, lorsque les polythéistes ont empêché le professeur Hassem et ses compagnons de faire la Umra, le professeur Hassem a ordonné à ses compagnons de raser leur tête. Lorsqu'ils n'ont pas pu faire la Umra, le professeur Hassem a ordonné à ses compagnons de raser leur tête et de repartir, entre guillemets, bredouille, de retourner à Médine sans pour autant avoir fait la Umra. Alors que le professeur Hassem leur avait dit, lorsqu'il était à Médine, il avait vu en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait entrer, lui et ses compagnons, à la Mecque, en ayant la tête rasée, et d'autres en ayant les cheveux raccourcis. D'accord? Et les compagnons, radhiyallahu anhum, croyaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout ce qu'il disait, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, sa parole est révélation. Donc lorsqu'il dit quelque chose, les compagnons, radhiyallahu anhum, étaient persuadés que la parole du professeur Hassan est vérité et que ce qu'il a dit va bel et bien avoir lieu. Et lorsqu'ils se sont fait refouler par les polythéistes, beaucoup de compagnons ont été peinés par cela. Et parmi eux, Omar ibn al-Khattab, qui a dit au professeur Hassan, ne nous as-tu pas dit que nous allions faire nos rites en allant à la Mecque? Et le professeur Hassem lui a dit, est-ce que je t'ai dit que ça allait être cette année? T'ai-je dit que ça allait être cette année? Et Omar ibn al-Khattab a dit non. Et le professeur Hassem a dit, garde la confiance, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car il viendra un jour où tu feras le tawaf autour de la Kaaba. Et dans d'autres hadiths, Omar ibn al-Khattab a dit au professeur Hassem, ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans le faux? Pourquoi alors devons-nous nous rabaisser et repartir ainsi et nous humilier de la sorte? Et le professeur sallam leur a expliqué que cela était une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait faite, et Allah azza wa jal a fait une allusion à cela dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux compagnons de l'Ordre en disant فعلم ما لم تعلموا. Allah subhanahu wa ta'ala savait ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Donc si cette année vous n'avez pas pu faire la Umra, il y a derrière cela une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que seul lui connaît. Et donc, lorsque l'année suivante, les musulmans sont car parmi l'acte de paix, c'était que les musulmans ne pouvaient pas faire la Umrah cette année, mais pouvaient la faire l'année suivante. Et l'année suivante, Quraysh attendait les compagnons radiallahu anhum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, il vient de Médine et il y avait à Médine une épidémie de fièvre. Il y avait à Médine une épidémie de fièvre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh ont attendu et, en voulant se moquer des compagnons radiallahu anhum en disant que va venir de Médine des personnes qui sont faibles et malades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de faire Ar-Ramal et de faire Al-Tibar. Al-Tibar pour que les compagnons de Anhum montrent leurs épaules et montrent leur force physique, et également Ar-Ramal, le fait d'accélérer le pas. Et Annie, le professeur Hassan leur avait ordonné d'accélérer le pas durant les 7 tours. Durant les 7 tours. Et il leur a dit de ne pas accélérer le pas entre Al-Hajar, Al-Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad, car c'était le seul endroit où ils étaient et dans lequel Quraysh ne pouvait pas les voir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'accélérer le pas, de presser le pas durant les 7 tours de tawaf uniquement, et de marcher de façon normale entre Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad. Et donc la raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer à Quraysh que lui et ses compagnons d'Anhum n'étaient pas des faibles et qu'ils avaient une force physique qui était suffisante pour impressionner les polythéistes. Les 7 tours, c'est pas des points. Non, mais après on a vu qu'au début le prophète sallam l'avait fait pour les 7, et ensuite que lorsqu'il a fait Hajjat al-Wada', le prophète sallam, comme l'a dit Jabir ibn Abdillah, fa ramala thalatan wa masha arba'a. Et les savants ont dit que ceci abroge ce que le prophète sallam avait ordonné à ses compagnons précédemment. طيب, ensuite on avait parlé de Naam Hassan Istilam al-Hajar al-Aswad, donc de passer sa main sur al-Hajar al-Aswad. Donc cela fait partie des actes recommandés durant le tawaf. Et également al-Taqbil, d'embrasser la pierre noire également, est une chose méritoire, car le prophète sallam a fait ainsi. Et Omar al-Khattab, lorsqu'il a embrassé la pierre, il lui a dit, en parlant à la pierre, je sais que tu es une pierre qui ne fait ni bien ni mal, et si je n'avais pas vu le professeur sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Et il y a également as-sujoud alayhi, il y a également le fait de poser son front et son nez sur al-Hajar al-Aswad, comme cela a été rapporté selon Omar al-Khattab qui a embrassé la pierre et a posé son front et son nez dessus. Les 7 tours. Non ? Les 7 tours. Les 7 tours, si c'est possible, les 7 tours. Non. On avait dit Bismillah Allah Akbar. De dire Bismillah Allah Akbar, on avait dit que Allahu Akbar, At-Takbir, c'était rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, mais concernant At-Tasmiya, a été rapporté par Naam. Ça a été rapporté par un compagnon. Qui est ce compagnon? Un Ibn Omar. Naam. Donc c'est rapporté par Ibn Omar, mawqufan. Donc c'est une parole de Ibn Omar radiallahu anhu. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Jabir ibn Abdillah l'a dit, il faisait at-takbir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir. Donc ensuite, justement, le takbir. Le takbir, عند الركن. التكبير عند الركن, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar à chaque fois que tu passes devant la pierre noire. Et ensuite, on avait parlé de Ar-Ramal aussi, le fait d'accélérer le pas qui devait se faire durant les 3 premiers tours, mais encore. Ar-Ramal, on a dit que c'était des pas accélérés qui étaient rapprochés. Mais Ar-Ramal est propre à quel tawaf? À tawaf al-Qudum. Ar-Ramal, le fait d'accélérer le pas durant les 3 premiers tours et de marcher de façon normale les 4 derniers, cela est propre à tawaf al-Qudum, au premier tawaf. Donc le premier tawaf, il a 2 particularités, Al-Ittiba' et Ar-Ramal. Al-Ittiba' et Ar-Ramal. Même entre les deux, croyez-moi, ça répare. Non, même entre les deux coins. même entre des coins, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ramal dans les tours, les trois premiers tours, de façon complète. De façon complète. Ensuite, il y a istilam al-rukun al-yamani, le fait d'essuyer le coin yéménite. Pourquoi appeler le coin yéménite? Naam? Parce que c'est les deux coins qui donnent vers le Yémen. Car ce sont les deux coins qui donnent vers le Yémen. Quels sont les deux coins yéménites? La pierre noire et le coin qui donne vers le Yémen. Naam, ahsan. Donc al-hajar al-aswad et al-rukun al-yamani sont appelés aussi al-ruknan al-yamaniyan. Al-ruknan al-yamaniyan, donc ce sont deux coins de la Kaaba qui sont dirigés vers le sud, et les deux autres sont dirigés vers le Sham, vers le nord. Ensuite, après avoir fait le tawaf, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire également? Là non, de faire deux raka'at, de prier deux raka'at derrière le maqam de Ibrahim, derrière la station de Ibrahim alayhi salam. Et de prier deux raka'at, de réciter dans la première raka'at, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, et dans la seconde, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Et de dire, avant d'arriver à son rukn, de réciter, نعم, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, أحسنت. Ensuite, il y avait deux autres choses que l'on avait vues, نعم, d'aller boire du zemzem et d'arroser ses cheveux ou de mouiller ses cheveux avec l'eau de zemzem. Et la dernière chose qu'on avait citée, Naam, al-iltizam. Al-iltizam, qu'est-ce que signifie al-iltizam? Naam, se coller à la Kaaba, c'est-à-dire se coller avec les bras, le visage et... de poser sa joue, sa poitrine et ses mains, yani ses mains et ses avant-bras, de se coller à la Kaaba en collant sa joue, sa poitrine, ses mains et son avant-bras. Et où est-ce que l'iltizam doit se faire? Naam? Entre la pierre noire et la porte. Entre al-hajar al-aswad et bab al-Kaaba. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. C'est le seul endroit où il est légiféré de faire al-iltizam. Où il est légiféré de faire al-iltizam. Mais la porte ne rentre pas dans le nom. Naam. Le bab, il va y être. Les savants disent bayna al-bab wal-rukn. Bayna al-rukn wal-bab. Naam. Ensuite, on avait parlé de sa'i. Des allées venues entre eux, as-safa. Naam. Avant qu'ils partent, il fait un dernier. Non, là, il y a chez lui la hajar al-aswad. Avant qu'ils partent entre eux, quand il a fait le. Il resserre du pas la pierre, non? Parce que quand il a fait le tawaf, qu'il a bu zemzem, c'est là où il est légiféré de retourner pour faire l'istilam de l'hajar al-aswad. Ça c'est après avoir bu zemzem, après avoir fait les deux rak'at dans le maqam Ibrahim, d'avoir bu zemzem, là le prophète s'en retournait et passait sa main sur l'hajar al-aswad. Les savants disent qu'ici il n'y a que l'istilam qui est légiféré et non pas l'ishara. Que dans ce cas-là, il n'y a que l'istilam qui est légiféré, le fait de passer sa main et non pas de faire un signe vers al-hajar al-aswad. Ensuite, on avait parlé de al-sa'i. On avait dit que lorsque la personne arrive au niveau de as-safa, qu'est-ce qu'elle doit le faire? Naam Hassan. De réciter le verset Inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamar fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun 'alim. Ensuite, de monter sur as-safa, de se diriger vers la qibla et de dire trois fois Allahu Akbar. Naam. Naam. Nabda'u bima bada Allah bima bada Allah bi. Ahsant. Nabda'u bima bada Allah bi. Ensuite, de monter sur as-safa, de se diriger vers la qibla, de dire trois fois Allahu Akbar et de dire لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et ensuite de faire des invocations en levant ses mains et faire ceci trois fois de suite. Faire ceci trois fois de suite, c'est-à-dire at-takbir, le rappel et l'invocation. Et ensuite, on avait dit qu'il fallait accélérer le pas entre les deux lumières vertes qui sont situées entre As-Safa et Al-Marwa. Pourquoi accélérer le pas entre ces deux lampes, entre ces deux enseignes vertes, Naam? Parce que c'était l'endroit où c'était plat. Car à l'époque, c'était un endroit qui était plat. Où que les caravanes passaient. C'est à cet endroit-là que les caravanes passaient. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'autre. C'est ça qu'on avait dit? Non, tu as dit ça, plus tu as dit le fait que la femme d'Ibrahim apprenait son élan. Naam, apprenait son élan. Que Hajar, alayhi salam, prenait son élan vu que c'était un endroit qui était plat. Donc elle accélérait pour pouvoir monter de façon aisée le mont de Al-Marwa. Et en revenant, d'accélérer le pas pour passer le mont, pour monter le mont As-Safa. Et on avait dit que les caravanes passaient où? Parce que entre les deux montagnes, c'était une vallée. Et les caravanes passaient de l'autre côté des montagnes. Et Hajar alayhi salam accélérait le pas de peur qu'une caravane ne passe et qu'elle ne puisse pas la voir. Donc elle accélérait pour justement voir ce qui se passait derrière les montagnes. D'accord? Taïb. Ensuite, de faire sur As-Safa comme de faire sur Al-Marwa comme de faire sur As-Safa. C'est-à-dire de se diriger vers la Qibla, de dire Prof Allahu Akbar, de dire La ilaha illallah jusqu'à la fin du dhikr. Et de faire des invocations. Ensuite, on a parlé des actes recommandés lorsque la personne se dirige vers Mina, lequel jour? Le huitième jour de Dhul-Hijjah, qui est Yawm al-Tarwiya. Donc, le huitième jour, après Al-Fajr, après la prière du Fajr, de se mettre en état d'Ihram et de dire Labbayk Allahumma. بحجة لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم بحج et ceci de l'endroit où la personne réside, de son hôtel ou de la maison, ou peu importe l'endroit où il réside à la Mecque. L'ihram ne se fait pas du hajj, ni le jour de Tarwiya pour ceux qui sont à la Mecque ne se fait pas du miqat, mais il se fait à la Mecque de l'endroit où la personne se trouve. Naam. Si tu veux faire le hajj pour ton père, non. Tu dis pas, quand tu fais le hajj pour quelqu'un, c'est l'intention qui compte. Innama al-a'malu binniyat. C'est l'intention qui compte. Tu dis labbayk Allahumma bihajj. Et ton intention, c'est de le faire pour un tel. Donc tu n'as pas besoin de le formuler ni de dire une expression bien précise. Ensuite, de prier la prière, de se diriger à Minan, de prier là-bas. Ad-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Et Salat Al-Fajr, chaque prière a son heure, et pour les prières de 4 raka'at, elles sont raccourcies. Puis ensuite, de prier Ad-Dhuhr et Al-Asr le 9e jour, qui est le jour de Arafat, de prier Ad-Dhuhr et Al-Asr en rassemblant. Ad-Dhuhr et Al-Asr, en rassemblant aussi des prières et en les raccourcissant comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et ensuite, l'auteur a dit de ne pas partir de Arafat avant le coucher du soleil. De ne pas partir de Arafat avant le coucher du soleil. Donc ici, l'auteur a cité ce point parmi les sunan de. Les sunan de quoi? Des actes qui se font après Minan. À Minan ou après. Que ce soit à Minan ou juste après. Et concernant ce dernier point, la plupart des savants considèrent que qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Comme l'a dit Jabir radiallahu anhu, dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté à Arafat jusqu'à حتى غربت الشمس وغاب القرص. Jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon. Et ce n'est qu'après le coucher du soleil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Arafat pour se diriger vers Al-Muzdalifa. Et dans le pèlerinage, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun doit connaître, qui est خذوا عني مناسككم. Prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la prière, صلوا كما رأيتموني أصلي. Comme dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et concernant le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, خذوا عني مناسككم. Les savants ont beaucoup utilisé ce hadith pour statuer des rites qui sont obligatoires. Car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il nous a ordonné de le faire, donc cela est obligatoire. Donc cela est obligatoire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et les savants disent qu'il est obligatoire pour celui qui est resté à Arafat la journée de rester jusqu'au coucher du soleil. Car on va le voir après, que la durée de l'ouqouf bi Arafat dure jusqu'à... Non. La durée de l'ouqouf dure jusqu'au fajr du lendemain. On va voir après, Inch'Allah, que la durée de l'ouqouf bi Arafat dure jusqu'au fajr du lendemain. Jusqu'au fajr du lendemain. Donc, celui qui vient, par exemple, la nuit, n'a pas pu venir la journée, mais vient la nuit et reste une demi-heure ou une heure à Arafat, puis se dirige à Al-Muzdalifa. Est-ce qu'il a fait l'ouqouf bi Arafat? Oui. Il a fait Al-Uquf bi-Arafat. Mais ici, le fait de rester jusqu'au coucher du soleil ne le concerne pas car il est arrivé après. Quant à celui qui est arrivé la journée, il doit rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Il n'y a pas de début précis? Le début, il commence après Zawal. Il y a une divergence de savants, on va le voir après, Inch'Allah. Il y a certains savants qui disent que ça commence du Fajr. Et d'autres savants qui disent, et c'est l'avis le plus sûr, Allahu A'lam, que le l'ouqouf bi Arafat commence après Az-Zawal. Après Az-Zawal, après Dhuhr. Si on vient après, on... Naam? Si on vient après, on l'appelle l'ouqouf ou on l'appelle? Après quoi? Après Az-Zawal. Oui, justement, c'est après Az-Zawal que ça commence. Certains savants disent que c'est après Az-Zawal que l'ouqouf bi Arafat commence. طيب يقول المؤلف أركان الحج. Puis l'auteur cite le chapitre des piliers du pèlerinage. أولا النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Donc le premier pilier du pèlerinage, c'est l'intention. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leur intention. Les actes ne valent que par leur intention. Donc le premier pilier du pèlerinage, c'est d'être sincère lorsque tu fais ton pèlerinage, de le faire que pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne voulant derrière cela ni profit d'ici-bas, ni pour avoir une réputation, etc., etc. Tu fais ton pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense. ثانيا الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولحديث عروة الطائي عروة ابن مضرس. Si vous voulez rajouter, Urwa ibn Mudarris, Mudarris, Mim Dad Ra Sin. ولحديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود. Donc le deuxième pilier du pèlerinage qui est de rester à Arafat. De rester à Arafat, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit le pèlerinage c'est Arafat. Le pèlerinage c'est Arafat. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah. Et une autre preuve, un autre hadith qui prouve que le fait de rester à Arafat est un pilier du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa Ibn Mudarris al-Ta'i radiallahu anhu qui dit je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Muzdalifah lorsqu'il sortait de sa prière, c'est-à-dire de la prière du Fajr, et j'ai dit ô envoyé d'Allah, je suis venu de des montagnes Tay qui est appelée Tay. Aklaltu rahilati, j'ai fatigué ma monture. Wa ta'abtu nafsi, et je me suis fatigué moi-même. Wallahi, je jure par Allah, je n'ai laissé aucune montagne sans que je me suis posé dessus. Fahalli min hajj, est-ce que mon pèlerinage est valide? Est-ce que le pèlerinage est comptabilisé pour moi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste à notre prière, celle-ci, et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions, et qui auparavant est resté à Arafat de jour, de nuit ou de jour, eh bien son pèlerinage est accompli. Son pèlerinage est complet, wa qadha thafatu, et il a fait al-thafat, et on va expliquer inchallah ce que c'est que al-thafat. Dans ce hadith de Urwa ibn al-Mudarris radiallahu anhu, il dit qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a rencontré al-Muzdalifa lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé et sorti de la prière du Fajr. Donc ce compagnon radiallahu anhu est venu directement à al-Muzdalifa. De Jabal al-Tay, il est venu directement à al-Muzdalifa. Et il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fatigué sa monture et s'était fatigué lui-même. Pourquoi? Car il ne connaissait pas les endroits du pèlerinage. Il ne connaissait pas ni Arafat, ni Mina, ni quelque autre endroit. Pour cela qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai laissé une montagne ou un mont sans que je ne me suis posé dessus. Il savait qu'il fallait, dans le pèlerinage, qu'il fallait être dans des endroits bien précis, mais ne connaissant pas ces endroits, il a décidé alors de se poser sur chaque montagne qu'il a pu trouver. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que son pèlerinage est valide? Est-ce que son pèlerinage est comptabilisé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui prie avec nous cette prière, c'est-à-dire la prière du Fajr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de terminer la prière du Fajr à Al-Muzdalifa. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa, et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous partions à... Ils sont à Al-Muzdalifa. Jusqu'à ce qu'ils partent à Aminan. Et à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait de Al-Muzdalifa pour se diriger à Minan? Après le Fajr? Juste après le Fajr? Jusqu'à ce que le soleil se lève? Avant que le soleil se lève. Lorsque le soleil devenait très jaune, jaunâtre, mais ne se levait pas encore. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le lever du soleil, se dirigeait vers Mina. ووقف معنا حتى ندفع ووقف في الخوف صلى الله عليه وسلم dit et resté avant cela, c'est-à-dire avant Al-Muzdalifa, à Arafat, de nuit ou de jour فقد تم حجه de nuit ou de jour. Les savants ont déduit de ce hadith que le temps de l'ouqouf à Arafat est non, c'est, certains savants ont compris de cela, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laylan ou Naharan, c'est-à-dire de nuit ou de jour, c'est-à-dire toute la journée et toute la nuit. Donc, certains savants, parmi eux, l'imam Ahmed, rahimahullah, ont compris que al-Qouf bi Arafat commençait du Fajr jusqu'au Fajr. Du Fajr du 9e jour jusqu'au Fajr du 10e jour. Et d'autres savants ont considéré, c'est la plupart des savants, que Al-Wuquf bi Arafah commence après Az-Zawal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, comme l'en a informé Jabir ibn Abdillah dans son récit du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. En fait, le Wuquf, ça... Al-Quf, c'est de stationner sur Arafat, de rester sur Arafat, de se poser à Arafat. Jusqu'au Fajr. Non, c'est une heure autorisée. Une personne, comme je l'ai dit, comme cet homme, comme Urwa ibn Mudarris, il est parti directement à Al-Muzdalifa. Et il s'est arrêté dans toutes les montagnes qu'il a vues. Mais peut-être qu'il s'est arrêté à Arafat la nuit. Peut-être qu'il s'est arrêté à Arafat la nuit. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qui a stationné à Arafat de nuit comme de jour, pour montrer à ce compagnon de l'anhu que quelle que soit l'heure à laquelle il était dans le monde d'Arafat, car à Arafat il y a une montagne qui s'appelle Jabal al-Rahma ou Jabal Arafah. Il a deux noms, Jabal al-Rahma ou Jabal Arafah, qui se situe en plein milieu de Arafat. Et c'est en bas, au pied de cette petite montagne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa monture, et c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son stationnement à Arafat. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqad tamma hajju, son pèlerinage est alors complet. Hajjuhu ay manasikuhu, c'est-à-dire ses rites sont complets. Wa qadha athafatuhu, et athafat, les savants ont dit que ce sont toutes les saletés, toute la poussière qu'a le pèlerin, le fait qu'il ne s'est pas lavé, le fait qu'il a la poussière, le fait qu'il a les cheveux ébouriffés, etc. Le fait qu'il soit dans cet état est appelé al-fafat en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il peut faire, à partir de ce moment, il peut faire aussi... où il a été dit également que al-fafat c'est le manasik. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, et certains savants ont dit que c'est At-Tafat, c'est la saleté, la poussière, etc. Et d'autres savants ont dit que c'est Al-Manasik. At-Tafat, ay Al-Manasik. Que Qada At-Tafatuhu et Tamma Hajjuhu, ce signifie la même chose. Que Itmam al-Hajj et Qada al-Tafat signifient les deux la même chose. Allahu A'lam. Donc, troisièmement, المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر وصلاة الفجر بها لقوله صلى الله عليه وسلم لعروة قبل في الحديث السابق من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته. Puis l'auteur a dit troisièmement, le fait de rester à Al-Muzdalifah jusqu'à ce que l'aube apparaisse et de prier également la prière du Fajr à Al-Muzdalifah. Et la preuve est le hadith de Urwa cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui assiste à notre prière, celle-ci, et reste jusqu'à ce que nous partions, c'est-à-dire de la Muzdalifah, et rester avant cela à Arafat de nuit ou de jour, eh bien son pèlerinage est accompli, ou son pèlerinage est complet. Et ce troisième pilier qu'a cité l'auteur, il y a une divergence de savants à ce sujet concernant Al-Mabit ou Al-Muzdalifah et le fait de prier Al-Fajr à Al-Muzdalifah. La plupart des savants considèrent cela comme obligatoire. Et ne considèrent pas cela comme étant un pilier. Car le fait de dire que c'est un pilier, celui qui ne reste pas à Al-Muzdalifah ou celui qui ne prie pas la prière de Al-Fajr à Al-Muzdalifah, quel est le jugement de son pèlerinage? Il est bâti. Son pèlerinage est nul et il doit le refaire l'année suivante, s'il en a les possibilités et les capacités. Il doit le refaire l'année suivante, s'il en a la possibilité et la capacité, même si ce n'est pas son premier pèlerinage. Même s'il a déjà fait le pèlerinage plus d'une fois et qu'il rate le fait de rester à Al-Muzdalifah et le fait de prier le Fajr là-bas, pour ceux qui considèrent que c'est un pilier, il doit revenir l'année suivante selon ses possibilités. Et l'avis, comme je l'ai dit, de la plupart des savants, c'est que Al-Mabit, le fait de rester, de passer la nuit à Al-Muzdalifah et de prier le Fajr à Al-Muzdalifah, fait partie des obligations et ne fait pas partie des piliers. Donc ceux qui considèrent que c'est un pilier, et certains savants considèrent à la fois que le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifah et de prier le Fajr est un pilier. D'autres savants considèrent uniquement la prière du Fajr comme étant un pilier. Et l'auteur ici, lui, considère que de passer la nuit à Al-Muzdalifah et de prier le Fajr est un pilier. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui différencie. Il différencie entre le fait de passer la nuit et le fait de prier la prière du Fajr. Le fait de passer la nuit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, considère que c'est une obligation. Car Urwa ibn Mudarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdalifah? Non, il n'a pas passé la nuit à Al-Muzdalifah, et le prophète sallam, est-ce qu'il a remis en cause la validité de son pèlerinage? Non. Donc on en déduit que cela est obligatoire. Mais n'est pas un pilier. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que la prière du Fajr, elle, est un pilier, car le prophète sallam a dit: Man shahida salatana hadihi. Celui qui assiste à notre prière, celle-ci, c'est-à-dire à la prière du Fajr à Al-Muzdalifah. Puis, à la fin, le professeur Sam a dit: Faqad tamma hajjuhu. Son pèlerinage est alors complet. Autrement dit, celui qui ne l'a fait pas, son pèlerinage est incomplet. Donc, c'est sur ce hadith-là que se basent les savants qui considère soit Al-Mabit, le fait de passer la nuit et la prière du Fajr comme un pilier, ou bien uniquement de considérer la prière du Fajr comme un pilier. Car Cheikh Al-Albani rahimahullah, il exerçait beaucoup ce point-là pour ne pas qu'on dise de lui qu'il considérait également le fait de passer Al-Muzdalifah comme un pilier. Car beaucoup pensent que Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que le fait de passer la nuit et de prier le Fajr Al-Muzdalifah, les deux sont des piliers. Non, lui considère uniquement la prière du Fajr comme un pilier. Et les autres savants, la plupart, comme je l'ai dit, considèrent que Al-Mabit bil-Muzdalifah, de passer la nuit Al-Muzdalifah et de prier le Fajr, est obligatoire et non pas un pilier. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faqad tamma hajjuh. son pèlerinage est complet, mais le fait qu'un pèlerinage soit incomplet, est-ce que cela veut dire qu'il est nul? Non. Yani, al-itmam peut vouloir dire valide ou invalide, mais il peut aussi vouloir dire complet ou incomplet. Et c'est ce cas-là, dans ce hadith, yani, le pèlerinage, et quand le professeur Sam a dit qu'il est faqad tamma hajju, le fait de ne pas prier le fajr, de ne pas passer la nuit, cela rabaisse dans l'âge, la récompense du pèlerinage, mais ne remet pas en cause sa validité. Et si sa validité n'est pas remise en cause, donc ses actes ne sont pas des piliers. C'est pour ça que, c'est pour ça que les ulama ils disent que ceux qui sont en couple avec des vieilles femmes, matalan, ils peuvent partir avant ça. Non, on va le voir ça après. On va le voir après que le professeur Asselem a autorisé aux femmes et aux vieux de partir après la moitié de la nuit. De partir après la moitié de la nuit et de se diriger vers Mina pour éviter la foule et pour éviter les contraintes. Mais les savants qui ont dit que c'est un pilier ont dit, mais ici le professeur Asselem a donné une dérogation, a donné une rukhsa. Est-ce que ça remet en cause que c'est obligatoire ou un pilier? Non. Non. Le Prophète a dit salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jan. Prie debout si tu ne peux pas. Prie assis. Est-ce que ça veut dire que de prier debout n'est pas obligatoire? C'est obligatoire. D'accord? Donc yani, c'est un des arguments qui a été cité effectivement par les savants qui considèrent que c'est une obligation, mais les autres savants ont répondu par cet argument. Et ceux qui considèrent également que c'est un pilier ont apporté comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ. Le mash'al al-haram m'avait dit que c'était, ça peut vouloir dire deux choses. Le mash'al al-haram, c'est le mont, la montagne appelée al-mash'al, qui est située à al-Muzdalifa. Et c'est dans cette montagne que le professeur sallam s'est positionné après avoir pris la prière de l'Fajr, en se dirigeant vers la Qibla et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune. Vous suivez ou pas? Et al-mash'ar al-haram peut aussi vouloir dire al-muzdalifa, car le professeur sallam a dit waqaftu ha huna wal-mash'ar kulluhu bawqif. Et ici le professeur sallam, lorsqu'il a dit wal-mash'ar, voulait dire al-muzdalifa. Voulait dire al-Muzdalifa. Donc al-Mash'al al-Haram peut vouloir dire le mont qui est situé à al-Muzdalifa, ou peut vouloir dire tout simplement al-Muzdalifa. طيب رابعا طواف الإفاضة. Donc quatrièmement, pour ceux qui considèrent que al-Mabit et Salat al-Fajr et Muzdalifa est considéré comme un pilier. Donc rabi'an, quatrièmement, tawaf al-ifada, le tawaf de l'ifada, li qawlihi ta'ala wal yattawafu bil bayt al-atiq. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il tourne et qu'il fasse le tawaf autour de la maison, wal yattawafu bil bayt al-atiq. Donc tawaf al-ifada, c'est tout simplement tawaf tawaf al-hajj, c'est le tawaf du hajj, c'est le tawaf du hajj que le prophète sallam a fait le dixième jour, que le prophète sallam a fait le dixième jour, qui est yom al-eid. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. Donc dans ce, le quatrième pilier du pèlerinage, ou le troisième pour ceux qui ne considèrent pas la prière du Fajr ou le fait de passer la nuit à Muzdalifa comme des piliers. Donc le quatrième pilier, c'était dans le livre, c'est le tawaf de l'Ifarda. Le tawaf de l'Ifarda, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse le tawaf autour de la maison. Et selon Aisha radhiyallahu anha, elle dit, Safiya bint Huyay a eu ses menstrues après avoir fait le tawaf de l'Ifarda. Ba'dama afardat ay tafat tawaf al-Ifarda. Qalat, et elle a dit, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها عفوا دي اجي انفورمي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم de cela. Il a dit احابستنا هي, est-ce que elle a été empêchée, est-ce qu'elle a été empêchée, autrement dit non, est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire de faire son pèlerinage. Est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire de faire son pèlerinage? Et Aïcha a dit, Ya Rasulallah, ou envoyé d'Allah, innaha qad afadat. Ou envoyé d'Allah, elle a déjà fait le tawaf de l'ifada. Wa tawafat bil bayt. Et elle a fait le tawaf autour de la maison. ثم حاضت بعد الإفاضة, et a eu ses menstrues après avoir fait tawaf al-ifada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن, qu'elle parte donc, qu'elle parte donc. Et l'auteur dit فدل قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. Donc la parole du professeur Hassan, lorsqu'il dit « a-t-elle été empêchée ?» prouve que le tawaf est une obligation et qu'il est obligatoire de le faire, et que cela, si elle ne le fait pas, que cela l'arrête et la stoppe dans, pour celui qui ne l'a pas fait. Que cela stoppe et arrête celui qui ne l'a pas fait. Naam, yani la budda minhu. La budda minhu, ici, l'auteur dit la budda minhu, c'est-à-dire que c'est une chose que l'on est obligé de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on en déduit que c'est un pilier? Car le professeur Hassan m'a dit, a-t-elle été empêchée? A-t-elle été empêchée? Donc le professeur Hassan a considéré que si elle avait été en état de monstrue et qu'elle n'avait pas pu faire le tawaf de l'ifarda, que cela aurait été un obstacle pour son pèlerinage. Et une chose qui est un obstacle pour le pèlerinage est considérée comme nulle, est considérée comme invalide. Car si c'était une obligation, qu'est-ce qu'il lui aurait suffi de faire? On avait dit que toutes les obligations que la personne a manquées et qu'elle ne peut pas refaire, non, les obligations, celui qui a manqué une obligation parmi les obligations du pèlerinage, il doit le refaire. Il doit refaire cette obligation, et s'il n'a pas la possibilité de refaire cette obligation, alors il doit égorger une bête. Alors il doit égorger une bête. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, que pour chaque obligation manquée, il y a l'égorgement d'une bête. Non. Si, à Rokn, si tu ne le fais pas, ton pèlerinage est nul. Et tu dois refaire ton pèlerinage l'année suivante si tu en as la possibilité. L'obligation, si tu ne l'as pas fait, tu dois la refaire si tu en as la possibilité. Celui, par exemple, qui a oublié de faire, As-Sa'i. Celui qui n'a pas fait As-Sa'i de la Umrah, et qu'il a la possibilité de le refaire. Est-ce que c'est une obligation pour lui de le faire? Oui. D'accord. Donc les obligations, celui qui manque à une obligation parce qu'il a oublié ou parce qu'il ne savait pas, s'il a la possibilité de réparer son erreur et de réparer son manquement, alors c'est une obligation pour lui de le refaire. Mais s'il n'a pas pu, ou s'il est parti, ou s'il s'en est rendu compte lorsqu'il est retourné chez lui à des dizaines de milliers de kilomètres de Mecca, dans ce cas, il doit égorger une bête pour compenser ce manque. Mais s'il a manqué à un pilier, il doit refaire son pèlerinage. S'il n'a pas la possibilité de le refaire, bien sûr. Celui qui le fait exprès. C'est comme ça, là. Dans le bâtel. Celui qui le fait exprès, Allah, l'a dit. Je ne sais pas. Taïf. Non. Concernant la femme qui est assez monstrueuse et qui ne peut pas faire tawaf et l'ifada, il y a deux avis des savants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui est assez monstrueuse n'a pas le droit de faire un tawaf. Comme l'a dit le professeur Hassan Aisha, Isna'i ma yasna'i al-hajj, ghayra an la tatoufi bil bayti wa la tusalli. Fais ce que fait le pèlerin, sauf abstiens-toi, à part le fait de t'abstenir de faire le tawaf autour de la maison et de prier. Sinon, tu peux faire tous les autres rites du pèlerinage, à savoir al-sa'i, à savoir al-wukuf bi-arafa, à savoir al-wukuf bi-mina, à savoir ramil jamarat, etc., etc. Tous les rites, une femme qui a ses menstrues peut les faire, sauf le tawaf et la prière. Donc une femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de faire at-tawaf. Il y a deux avis des savants. Certains savants, et parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et à notre époque, il y a Cheikh ibn Uthaymeen et Cheikh ibn Baz qui ont donné cette fatwa. C'est qu'une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire tawaf al-ifada et qui doit partir, et qui n'a d'autre choix que de partir, car tawaf al-ifada arrive, et yani, vers la fin du Hajj. Et beaucoup ont déjà réservé leur retour, surtout les femmes qui sont accompagnées de leur mahram. Donc si le mahram ne peut pas rester et que la femme, par exemple, vient d'avoir ses menstrues et qu'elle est obligée de rester une semaine de plus, elle est contrainte à repartir. Ici, les savants comme Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres autorisent à la femme de se protéger, de protéger l'endroit des menstrues, de mettre une protection, un tissu ou autre, une protection, et de faire le tawaf dans cet état, car c'est un cas d'extrême urgence, car c'est une daroura. Car c'est une daroura, et l'ifada étant un pilier, la femme ne peut pas partir sans l'avoir fait. Et d'autres savants, parmi les Cheikh al-Bani, rahimahullah, le considèrent qu'il est interdit à la femme de faire at-tawaf en état de menstrue, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit même, si cette femme tombe malade et qu'elle doit être hospitalisée, qu'est-ce que ces maharims vont faire? Est-ce qu'ils vont repartir ou est-ce qu'ils vont rester? Ils vont rester. Pourquoi ne resterait-il pas si elle a ses menstrues? Question que Cheikh Rahimallah posait. Il y a après ces deux avis. Après, ça peut se discuter. Si c'est deux groupes, si ta femme est malade et qu'elle est à l'hôpital, est-ce que tu vas partir et la laisser? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, tu es obligé de rester. Elle aussi, elle est obligée de rester. Donc, à la goulée, les deux avis. Et la personne prend l'avis envers lequel elle est plus apaisée. Et il autorisait, les savants disent, qu'il autorisait à la femme de prendre des médicaments qui arrêtent les menstrues. Il autorisait à la femme de prendre des médicaments qui lui permettent de ne pas avoir ses menstrues durant la période du Hajj, à condition que ces médicaments ne soient pas néfastes pour sa santé. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il faisait cette fatwa qu'il autorisait à la femme de prendre des médicaments qui arrête ou qui retarde ses menstrues ou qui les enlève carrément pour ce mois-ci, à condition que ces médicaments ne soient pas néfastes pour sa santé. خامسا السعي بين الصفا والمروة لسعيه صلى الله عليه وسلم وقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Et la preuve, le cinquième pilier cité dans le livre, c'est As-Sa'i Bayn As-Safa wa Al-Marwa. Les années venues entre As-Safa et Al-Marwa, car le prophète sallam a fait le Sa'i, et car le prophète sallam a dit faites le Sa'i, car Allah a prescrit pour vous le Sa'i. Faites le Sa'i, car Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous As-Sa'i, hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. La Safa et la Marwa font partie des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم نعم السعي سي ان ركن باجماع العلماء السعي سي ان بيليه ا لونانيميتي دي سافون اي concernant un détail que j'ai oublié de dire pour la femme qui a ses menstrues durant tawaf al-ifada si c'est une femme qui habite à proximité si c'est une femme qui habite à proximité de la Mecque ou dans les pays voisins, il lui est autorisé de retourner chez elle. Et si ses maharim sont contraints de retourner, il lui est autorisé de retourner chez elle, puis de revenir pour faire tawaf al-ifada. Et dans cet état, son mari n'a pas le droit de l'approcher. Pourquoi ? Car elle est toujours, car elle n'a pas fait at-tahallul Al-Akbar. Elle n'a pas fait At-Tahallul Al-Akbar. At-Tahallul Al-Akbar, c'est le fait qu'une personne sorte de son état de sacralisation totalement, de façon totale. Car on verra par la suite que At-Tahallul, quand une personne est en état de sacralisation, il y a deux sortes d'états. Il y a At-Tahallul Al-Asghar et il y a At-Tahallul Al-Akbar. Après Rami et Jamrat al-Aqaba, après avoir lapidé la stèle, la grande stèle de l'Aqaba, le jour de l'Aïd, il est autorisé à la personne de faire At-Tahallul al-Asghar, c'est-à-dire de se raser la tête, c'est-à-dire de porter des vêtements, de se parfumer, etc. Il lui est autorisé toute chose, sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il lui est autorisé d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il a fait Tawaf al-Ifada. Lorsqu'il a fait le tawaf du hajj, et après avoir fait le tawaf du hajj, la personne est en état de tahallul al-akbar, est en état, sort de son état de sacralisation de façon complète. De façon complète. Et une femme qui n'a pas fait le tawaf al-ifada, est-ce qu'elle est en état de tahallul asghar ou akbar? Asghar. Donc il ne lui est pas autorisé d'avoir des rapports avec son mari. Non. D'une femme qui a raté le tawaf ifada, elle est seule au milieu du tawaf par exemple, elle reprend où elle s'est arrêtée ou elle reprend entièrement? Elle reprend entièrement. Parce que le fait de s'arrêter pendant le tawaf, tout dépend de la durée. Si c'est une durée courte, comme le fait de prier, parce que tu peux très bien faire le tawaf et la prière est faite. Donc la prière obligatoire, tu dois la faire sur le champ. Donc des pauses qui sont courtes, comme une prière ou autre, comme le fait d'aller faire ses ablutions ou d'aller boire, etc., il est autorisé de revenir et de continuer le tawaf de l'endroit où tu t'es arrêté. Mais si c'est une période qui est trop longue, en ce cas, tu dois recommencer le tawaf de zéro. Et là, pour une femme qui a eu ses menstrues, par exemple, en plein tawaf, et qui est amenée à retourner chez elle ou dans un pays voisin, lorsqu'elle revient, elle recommence le tawaf depuis le début. Non. Une semaine, deux semaines. Non, non. Elle doit revenir avant la fin de Dhul Hijjah. Ouais. Elle doit revenir avant la fin de Dhul Hijjah, car le tawaf de l'Ifada, c'est le tawaf du Hajj. Et on avait dit que le Hajj est restreint dans le temps. On ne fait pas le hajj quand on veut. On fait le hajj quand, dans les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définis. Et le dernier mois dans lequel une personne peut faire le, et la limite, c'est la fin de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam. C'est une obligation. Ça fait partie des obligations, pas des piliers. Justement, on va parler des obligations. Wajibatul Hajj. Wajibatul Hajj. Awalan al-ihramu min al-miqat. Bien yatajarrada min thiyabihi wa yalbis malabis al-ihram. ثم ينوي قائلا لبيك اللهم بعمره أو لبيك اللهم حجة وعمره. Donc ensuite l'auteur parle du chapitre des obligations du pèlerinage. La première obligation, c'est de faire l'ihram du miqat. De faire l'ihram du miqat. Et l'ihram, on avait dit que c'était... C'est quoi l'ihram? C'est quoi l'ihram? De faire le rouge et de mettre ses vêtements, ça c'est malab et c'est l'ihram. Niyatu dukhul al-nusuk. On avait dit que l'ihram, huwa niyatu dukhul al-nusuk. C'est l'intention de rentrer dans les rites. C'est ça l'ihram. C'est d'avoir l'intention de rentrer dans le rite, que ce soit la umra, que ce soit l'ifrad ou al-qiran, que ce soit le fait de faire la umra, l'intention de rentrer dans la umra, dans le pèlerinage, ou dans le pèlerinage et la umra associés. Et donc ici l'auteur dit al-ihram min al-miqat, et on avait dit que al-ihram qui est niyat dukhul al-nusuk est le premier pilier. Le premier pilier du pèlerinage, c'est an-niyya, l'intention. C'est l'intention. Autrement dit, c'est l'intention de faire. Non, c'est l'intention de faire la umra, le hajj ou les deux. Donc, al-ihram, c'est une chose, et al-ihram min al-miqat, c'en est une autre. Al-ihram min al-miqat, c'est-à-dire d'avoir cette intention avant ou au moment de. Avant de traverser le miqat. Avant. De traverser le miqat, al-miqat al-makani. Al-miqat al-makani, le miqat terrestre. La zone, la limite terrestre, parmi les cinq que le professeur sallam a défini. Donc, al-ihram, l'intention de rentrer dans le rite, c'est un pilier. D'avoir cette intention avant de traverser le miqat, c'est une obligation. Autrement dit, celui qui traverse le miqat, sans avoir fait l'intention, sans avoir une intention d'entrer dans le rite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir derrière le miqat et refaire son intention. Et s'il ne peut pas, il sacrifie une bête, comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc al-ihram min al-miqat bi an yatajarrada min thiyabihi wa yalbisa. Et donc, l'auteur dit, l'ihram du miqat, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire d'enlever ses vêtements, de mettre les vêtements de l'ihram, puis d'avoir l'intention en disant labbayk Allahumma bi umrah, ou labbayk Allahumma hajjatan wa umrah. Non. C'est ça la question? C'est ça. De dire labbayk Allahumma bi umrah, ou bien labbayk Allahumma hajjatan wa umrah. Tu as dit qu'il faut qu'il fasse Niyya avant de. Si par exemple il n'a pas fait Niyya, il a passé Miqat, il faut qu'il revienne dessus. Et s'il ne peut pas revenir, il y a des bains. Mais c'est un rouk. Non, un Niyya il l'a fait. Un Niyya il l'a fait ou pas? Non, il n'a pas fait. Bah si, il l'a fait. Il l'a fait après le Miqat. Dans le cas que tu dis, une personne qui a fait le Niyya après le Miqat, il a fait la Niyya. Donc le rouk, le pilier, il est présent. Mais il a manqué une obligation qui est de faire cette intention avant le miqat. C'est bon? Avant le miqat ou à l'endroit du miqat. On avait dit qu'il est autorisé de le faire avant, mais que le mieux c'était de le faire à l'endroit même du miqat. Thaniyan, al-mabitu bi Mina fi layali at-tashriq لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها ورخص لرعاء الإبل لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم الفر ويرمون يوم الفر يوم النفر عفوا ويرمون يوم النفر حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc la deuxième obligation du pèlerinage, c'est le fait de passer la nuit à Mina durant les nuits de Tashriq. Durant les nuits de Tashriq. Qui sont 11, 12 et 13e jour. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dhul-Qi'ada sont appelés Ayyamu At-Tashriq. Et ce sont les trois jours qui suivent directement le jour de l'Aïd. Ils suivent directement les jours de l'Aïd. Et durant ces quatre jours, en comptant le jour de l'Aïd, puis les trois jours de Tashriq, ce sont les quatre jours dans lesquels il est légiféré de dégorger sa bête. Il est légiféré d'égorger sa bête. Après Ayyam Tashriq, cela n'est plus considéré comme un hadith. Ce n'est plus considéré comme un hadith. Ce n'est plus considéré comme un hadith. Et de même, pour ceux qui ne sont pas en état de pèlerinage, ceux qui ne font pas de pèlerinage cette année, le jour de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, il leur est légiféré d'égorger leurs bêtes le jour de l'Aïd jusqu'aux trois jours qui suivent. Et les trois jours qui suivent, donc quatre jours en tout. Donc, 4 jours en tout. Et quant au pèlerin, il doit passer la nuit durant les jours de At-Tashriq. Il doit passer ses nuits à Mina. Il doit passer ses nuits à Mina. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ces nuits-là à Mina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ceux qui étaient bergers, qui s'occupaient des chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de ne pas dormir à Mina. Rakhasa li ru'a'i al-ibli fi al-baytuta, ay fi al-baytuta fi Mina, ay fi 'adam al-baytuta fi Mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux bergers qui avaient sous leur responsabilité les chameaux de ne pas dormir à Mina. Yarmouna yawm an-nahr. Il lapide la stèle, la grande stèle, le jour de l'Aïd. Thumma yarmouna al-ghadda wa min ba'di al-ghaddi bi yawmayn. Puis, il lapide les stèles du lendemain et du surlendemain, le surlendemain. Il lapide les stèles du lendemain, c'est-à-dire du lendemain de du Eid et les stèles et la lapidation des stèles du surlendemain, le surlendemain. Le 12e jour. Wa yarmuna yawm an-nafr. Et il lapide également le jour de an-nafr. Yani an-nafr al-thani. Yawm an-nafr qui est le 13e jour. Et c'est le 2e jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ceux qui s'occupaient des chameaux, les bergers qui avaient pour responsabilité les chameaux. Quels chameaux? Non. Les chameaux de ceux qui sont venus par la Hajj avec les chameaux, non? Ahsant. Les chameaux des pèlerins. Les chameaux des pèlerins. Le prophète sallam leur a autorisé de ne pas dormir à Mina. Leur a autorisé de ne pas dormir à Mina. Pourquoi? Car à Mina, ce sont des jours où la personne n'a pas besoin de monture. Il n'a pas besoin de monture car les gens restent à Mina Et après Az-Zawal, après le zénith, il se dirige vers les trois stèles pour lapider la petite, la moyenne et la grande, chacune de cette pierre. Puis ils reviennent à l'endroit où ils stationnent. Donc une personne qui est à Minan, à l'époque du professeur Hassan, n'avait pas besoin de sa monture. N'avait pas besoin de sa monture. Mais les montures, est-ce qu'elles ont besoin de manger et de se nourrir? Oui, elles ont besoin de manger et de se nourrir. Or, à Minan, il n'y a pas de végétation. À Minan, il n'y a pas de végétation. Donc, pour nourrir les bêtes, il faut aller à l'extérieur, dans les endroits où il y a de l'herbe et de l'endroit et de la nourriture pour les chameaux. Et donc, au temps du prophète Hassan, il y avait des personnes qui avaient pour tâche de garder et de s'occuper des chameaux des pèlerins. Et ces personnes ne pouvaient pas à la fois dormir à Minan et s'occuper des chameaux des pèlerins. Donc le professeur Hassan leur a autorisé de ne pas dormir à Minan. Mais ils devaient lapider la grande stèle le jour de l'Aïd. Ils pouvaient lapider la grande stèle le jour de l'Aïd. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient la possibilité de lapider la grande stèle le jour de l'Aïd? Hein? Parce que les pèlerins n'ont pas leur chameau pour venir. Ahsan, parce que les pèlerins ont besoin de leur chameau le jour de l'Aïd. Vous êtes d'accord ou pas? Pour partir de Muzdalifa, aller à Minan, faire la lapidation, puis se raser, puis égorger la bête, puis se raser la tête, puis aller à Mecca pour faire le tawaf, le sa'i et revenir à Minan. Une personne, à cette époque, avait besoin de son chameau le jour de l'Aïd. Et le chameau étant avec eux, ceux qui avaient pour tâche de garder les chameaux pouvaient se rendre à Al-Jamarat et lapider la grande stèle. Mais le 11e jour et le 12e jour, où sont les chameaux? Ils sont dans le pâturage. Donc les personnes qui les gardent ne peuvent pas se rendre à Rami. Donc le prophète sallam leur a autorisé à la fois de ne pas dormir à Minan, mais il leur a aussi autorisé de ne pas lapider la stèle le 11e jour et de retarder la lapidation des trois stèles, celle du 11e et celle du 12e, le 12e jour. Donc le 12e jour, ils venaient et lapidaient les trois stèles, chacune de sept pierres, et ceci était la lapidation du mois de quel jour? Du 11e. Puis ils recommençaient en lapidant encore les trois stèles chacune de cette pierre, ceci pour le jour même qui était le jour de le 12e jour de Dhul Hijjah. Vous comprenez ou pas? Non, moi ce que j'ai compris, c'est que le 12, ils font le 11 et le 12 en même temps. Le 12, non. Le 13 et le 20, ils le font tout seul. Voilà. Donc pourquoi ils font le 12? Dans d'autres hadiths, dans une version de Tirmidhi, le professeur Hassan a dit qu'ils font le rami dans le jour qu'ils veulent. Autrement dit, qu'il aurait autorisé de rassembler la lapidation du 11 et du 12, soit le 11, soit le 12. Et soit le 11e jour de faire la lapidation du jour même et du lendemain, de le faire le 11e jour. Ou soit de faire la lapidation du 11e jour et du 12e jour le 12e jour. Pourquoi? Car ils avaient pour tâche de s'occuper des chameaux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرُ » et ils lapident le jour de النَّفْرُ يعني النَّفْرُ الثَّانِي, c'est-à-dire le 13e jour, le 2e jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir, qui est le 13e jour de Dhul Hijjah. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient faire un rami ce jour-là? Le 13e? Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient le faire le 12e? parce qu'ils ne sont pas obligés de rester jusqu'au 13e. Non, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient faire Rami le 12e jour pour rattraper le 11e? Non, mais pourquoi est-ce qu'ils pouvaient le faire le 12e? Parce qu'il déclarait qu'il partait. Car le 12e jour, c'est le premier jour, voit un nafrul awwal. C'est le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir. Donc les pèlerins ont besoin de leur chameau. Donc c'est pour cela que ceux qui avaient pour tâche de les garder pouvaient faire Rami le 12e jour car ils devaient se rendre à Milan pour restituer le dépôt, l'amana qui leur avait été confié. Donc ils pouvaient le faire le 12e, mais ils pouvaient aussi le faire le 13e car c'est le dernier jour. Car c'est le dernier jour et c'est le jour où tout le monde part. Le 13e jour, c'est le jour où tout le monde part, donc il devait être à Milan. C'est clair ou pas? Le 13e jour, il pouvait faire le 11 et le 12, le 13e jour, c'est ça? Non, le 13e jour, il faisait celui du 13e, et le 12e, comme il descendait, il faisait le 11, le 11e jour, et le 12e jour, le 12e jour. Et donc ici, la preuve, donc tout ça, c'est, dans ce hadith, il y a la preuve que Al-Mabayt ou Bimina est une obligation. Car le professeur Hassan a autorisé Ar-Rukhsa en arabe, c'est As-Suhula. Ar-Rukhsa en arabe signifie As-Suhula, c'est-à-dire la facilité. Et en islam, Ar-Rukhsa, c'est-à-dire c'est un cas qui n'est pas commun et qui est justifié. C'est le fait de faire un acte qui n'est pas commun mais qui est justifié. Ar-Rukhsa, c'est ça. C'est ce qui permet de faire un acte qui n'est pas commun, mais qui est justifié. Et ici, le professeur Hassan a autorisé ou a facilité à ces personnes, à ces bergers qui avaient pour charge de s'occuper des chameaux, de ne pas dormir. Autrement dit, que pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est une obligation pour eux. Pour les pèlerins, c'est une obligation, sauf pour ceux qui ont pour charge de s'occuper des chameaux. Et les savants ont dit qu'à notre époque, ceux qui ont des tâches qui sont pour le bien des pèlerins et qui travaillent dans ce sens-là, eh bien qu'ils leur aient autorisé et qu'ils ont besoin ou que leur travail leur impose de ne pas dormir à Minan pour des raisons ou d'autres, mais qu'il autorisait à ces personnes de ne pas dormir à Minan. De ne pas dormir à Minan car Rual Ibil, ceux qui avaient pour charge des chameaux, ils le faisaient pour qui? Pour les pèlerins. C'était un bienfait qui était général, qui englobait tous les pèlerins. C'était surtout une nécessité. C'était surtout une nécessité car un chameau peut rester sans manger pendant 2-3 jours, mais cela est un supplice pour lui. C'est difficile et il en souffrira. Et l'islam nous interdit de faire souffrir les bêtes et de leur porter préjudice. Et le professeur Asselem nous ordonne de nous occuper de ceux dont on a la charge. Et ceux dont on a la charge, c'est notre famille, mais c'est aussi les animaux qui sont sous notre responsabilité. Et concernant Yawm al-Nafr, j'ai fait une erreur concernant dans le hadith de Jabir ibn Abdillah. Lorsqu'on avait expliqué le terme de Tarwiya, Yawm al-Tarwiya, on avait dit que chaque jour du pèlerinage avait un nom. On avait dit que le nom Yawm al-Tarwiya, c'était le nom du 9e jour, du 8e jour. Yawm al-Arafa, c'est le nom du 9e jour. Yawm al-Nahr, qui est le 10e jour, qui est le jour du sacrifice. Et il y a le 11e jour qui est Yom Al-Qar, qui est Yom Al-Qar, qui est le jour du stationnement, le jour où les gens restent, c'est-à-dire restent à Minan. Et pour ajouter encore par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, ce 11e jour est aussi appelé Yom Al-Ru'us. Il est aussi appelé Yom Al-Ru'us. Il est appelé Yom Al-Qar et Yom Al-Ru'us. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Yom Al-Ru'us? C'est-à-dire quoi Yom Al-Ru'us? Le jour des têtes, pourquoi? Les cheveux? Non. Les cheveux, c'est le 10e jour. Ah. Le jour de l'Aïd. Parce qu'ils sont tous les seigneurs de l'endroit. Pourquoi les têtes? Parce que c'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille. C'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille. Et il y a ensuite le 12e jour qui est Yom, moi j'avais dit Yom al-Far al-Awwal, c'est pas Yom al-Far, c'est Yom al-Nafr. Yom al-Nafr al-Awwal et Yom al-Nafr al-Thani. Al-Nafr signifie le fait de partir. Donc c'est le 12e jour et le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de quitter Minan. Et le 13e jour, Yom al-Nafr al-Thani, qui est le deuxième jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de quitter Mina. C'est obligatoire de rester qu'un seul jour, le 11e et le 12e. Et le 12e, tu es obligé de faire un rami. Tu peux partir après avoir fait, après avoir lapidé les trois stèles. طيب وترخيصه صلى الله عليه وسلم لهم دليل دليل دليل الوجوب على غيرهم. Et donc le professeur, le fait que le professeur Hassan ait autorisé à ses bergers de ne pas dormir est une preuve que c'est une obligation pour autre que. Cela prouve que c'est une obligation pour autre que. ثالثا رمي الجمار مرتبا رمي الجمار مرتبا. Troisième obligation, c'est le fait de lapider les stèles dans l'ordre, à la suite. بأن يرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. Donc, la troisième obligation, c'est la lapidation des stèles. C'est la lapidation des stèles dans l'ordre. C'est-à-dire de lapider le dixième jour de Dhul-Hijjah, qui est le jour de l'Eid, la grande stèle appelée Jamrat al-Aqaba, de sept pierres. Puis, durant les jours de Tashriq, qui sont les trois jours qui suivent le jour de l'Eid, de lapider les trois stèles, chacune des lapidations, la lapidation de chacun des trois jours doit se faire ba'd az-zawal, elle doit se faire après que le soleil ait dépassé le zénith, c'est-à-dire juste après l'heure de dhuhr, juste après l'heure de dhuhr. Kullu jamratin bi sab'i hasayat. Chaque stèle doit être lapidée de sept pierres. Il doit commencer par la première, qui est la plus petite, appelée As-Sughra, puis celle du milieu, puis Jamrat al-Aqaba, qui est la grande stèle, qui est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de Mina. Jamrat al-Aqaba, qui est celle qui est la plus proche de Mecca et la plus loin de Mina. Et Jamrat al-Ula, Jamrat al-Sughra, c'est la stèle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de Mecca. Concernant Ramyul Jimar, le fait qu'il soit légiféré, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que l'on lapide les sept stèles, les trois stèles à la fin de cette pierre? Et on va seulement expliquer. On va seulement expliquer pourquoi est-ce que ça a été légiféré et on continuera la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la lapidation de stèles. Concernant le pourquoi, Cheikh Ibn Abin, rahimahullah, a authentifié un hadith où Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a accompli ses rites du pèlerinage, car Ibrahim, alayhi salam, faisait le pèlerinage. Et le fait que l'on fasse, nous, le pèlerinage, on suit dans cela les rites de Ibrahim alayhi salam. Et donc lorsqu'il faisait ses rites du pèlerinage, le diable s'est mis devant lui, lui a barré le chemin, lui a empêché de faire ses rites au niveau de la petite stèle. Puis Ibrahim alayhi salam lui a lancé cette pierre jusqu'à ce que le diable se soit retrouvé par terre. Puis Ibrahim alayhi salam a continué son chemin. Et le diable, s'étant relevé, s'est remis sur son chemin pour l'empêcher de faire son rite au niveau de la deuxième stèle. Et Ibrahim alayhi salam lui a également lancer cette pierre jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé par terre. Et de même pour la troisième stèle, le diable s'est encore mis en face de lui pour l'empêcher de continuer ses rites. Ibrahim alayhi salam lui a lancé cette pierre. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que le fait qu'on lapide ces trois stèles, chacune de cette pierre, est un rappel de ce fait qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam. Et en aucun cas, il ne faut croire qu'il y a un diable installé ou positionné au niveau de ces stèles et que ce diable est lapidé. Non. On fait cela car Ibrahim alayhi salam, pour nous rappeler ce fait qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié ce hadith. الشيخ الألباني رحمه الله أو تنتفي سحديث ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك